بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. الذي خلق فسوى. Celui qui a créé et agencé harmonieusement. والذي قدر فهدى. Qui a décrété et guidé. والذي أخرج المرعى. Et qui a fait pousser le pâturage. فجعله غثاء أحوى. Et en a fait ensuite un foin sombre. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Rappelle donc, où le rappel doit être utile. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Quiconque craint Allah s'en rappellera. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Et s'en écartera le grand malheureux. Qui brûlera dans le plus grand feu. Où il ne mourra ni ne vivra. Réussi, certes, celui qui se purifie. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Mais vous préférez plutôt la vie présente. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. إن هذا لفي الصحف الأولى. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes. صحف إبراهيم وموسى. Les feuilles d'Abraham et de Moïse.